Scène 8. Le camp sous Varsovie. Vive la Pologne ! Vive le Père Ubu ! Mère Ubu, donne-moi ma cuirasse et mon petit bout de bois, voilà. Je vais être bientôt tellement chargé que je ne saurais marcher hein, si j'étais poursuivi. Fi, le lâche ! Ben voilà le sabre à merde qui sauve. Et le croc à finance qui ne tient pas. Je n'en finirai jamais. Et les Russes avancent et vont me tuer. Seigneur Ubu, voilà le ciseau à Oneil qui tombe. J'ai tout eu au moyen du croc à merde et du couteau à figure. Comme il est beau, avec son casque et sa cuirasse. On dirait une citrouille armée. Maintenant, je vais monter à cheval. Alors, amenez, messieurs, le cheval à finance. Père Ubu, ton cheval ne saurait plus te porter. Il n'a rien mangé depuis 5 jours et est presque mort. Elle est bonne, celle-là. On me fait payer 12 sous par jour pour cette rosse et elle ne peut me porter. Mais vous vous fichez, corne d'Ubu. Ou bien, si vous me volez... La mère Ubu rougit et baisse les yeux. Alors que l'on m'apporte une autre bête, hein. Mais je n'irai pas à pied, corne gidouille. On amène un énorme cheval. Je vais monter dessus. Assis, plutôt, car je vais tomber. Arrêtez ma bête, grand Dieu, je vais tomber et être mort. Il est vraiment imbécile. Ah, le voilà relevé. Mais il est tombé par terre.